pouvait croire qu'on fût si mal dans une armoire. À ces maris, quels animaux, donnez-moi vite un verre d'eau. Oh, quelle histoire! À quelle armoire! Vous avez entendu, il faut nous dire adieu. Tout est perdu. Adieu, quand tout sourit à notre flamme, lorsque je tiens dans mes bras la plus femme d'entre les femmes, Jacqueline, n'y comptez pas. Adieu, quand l'effroi te rend plus jolie et que fleurissent les lilas et que ta robe se déline, Jacqueline, n'y compte pas. Vous parlez en célibataire. Le danger sied aux gens de guerre. Hélas, vous ne pensez qu'à vous. Comment détourner sa colère? Ce n'est qu'un jeu d'enfant, ma chère. Apaiser ce digne, il est trois bons moyens. Par grâce, dites vite. Premier moyen, on se quitte. Vite, vite, quittons-nous. Tout doux, tout dit. Sépare-t-on d'une façon si cavalière le bel homme du tendre lierre. C'est vous le bel homme. Vous avez dit le. Je suis le bel Ormeau, c'est vous le tendre lierre. Le second moyen, sur ce pré, serait d'oxy remettre André. C'est affreux, Seigneur, quelle épreuve! Voudriez-vous me rendre fève? Le noir vous irait à ravir, mais nous perdrions le plaisir. Toujours vif pour un militaire de codifier un notaire. Alors, eh bien, reste le dernier moyen. C'est le plus sage, le moins sauvage, afin de tout concilier. Il faut choisir un chandelier. Un chandelier. Un chandelier. Mais qu'est-ce donc un chandelier?